La nihiliste par Léon de Tinsault. Chapitre 1er. En 1870 et quelques, quelque temps avant la mort tragique du dernier tsar, un des hommes les plus considérables de l'Empire était le prince Michel X, que des raisons de haute convenance ne permettent pas de désigner ici par le nom de sa famille qui est illustre. Dans un voyage qu'il avait fait chez nous, un peu après la guerre, il avait rencontré à l'une des réceptions de la princesse Lise, cette superbe fille du général de Contremont, que le monde parisien, renaissant de ses cendres, connaissait déjà sous le nom de la belle Madeleine, et qui était aussi pauvre qu'elle était belle. Michel fut pris, malgré sa quarantaine accomplie, et des intentions formelles de célibat contre lesquelles, depuis 15 ans, toutes les jeunes personnes et toutes les veuves de l'aristocratie russe s'étaient heurtées, comme des bouquets de roses ou de lys contre le blindage sombre d'un garde-côte. « Mère, dit un soir Madeleine à la veuve du héros de Grablotte, seras-tu contente si je deviens princesse ?»« Pas tout à fait, car je t'ai faite assez belle pour être reine. Il est vrai que les reines, par le temps qui court. » De fait, il ne me souvient guère d'avoir rencontré, dans un ensemble aussi parfait, aucun type de beauté humaine. Je la vois encore, l'adorable, un certain soir, à l'opéra, quelques semaines après son mariage. Il y avait, je gage, à l'orchestre, 50 spectateurs qui étaient ou avaient été plus ou moins amoureux d'elle, depuis la simple toquade jusqu'à la passion désespérée. Vous jugez comment ceux-là écoutaient la musique? On aurait pu leur donner Mireille à la place des Huguenots sans qu'un seul d'entre eux eût songé à s'en apercevoir. Ce fut et ce sera probablement la plus mémorable soirée de la jeunesse de Madeleine. Elle se sentait comme vengée aux yeux d'un sexe qui ne lui inspirait alors que de la rancune, car parmi ces hommes qui se seraient appauvris alors pour être aimés par elle durant 1 heure, il n'en était pas un qui ne l'eût trouvé trop pauvre jadis pour en faire la compagne de sa vie. Seule dans la grande loge avec son mari, fière, à peine souriante en apparence, mais au fond, vibrant des pieds à la tête de l'excitation du triomphe, elle renvoyait l'admiration comme ses diamants renvoyaient la lumière. Elle était un superlatif vivant car elle pouvait se dire « J'aperçois ici 25 femmes qui sont belles, mais c'est moi qui suis la plus belle. » Ce soir-là, une Américaine, bien des fois millionnaire mais point jolie, faisait dans sa loge l'aveu que voici. « Je ne souhaite pas de ressembler à la princesse Michel, car ce serait trop demandé. Mais seulement pour avoir ses dents, je donnerai mon hôtel des Champs-Élysées et tout ce qui est dedans, même mon coffre à bijoux. Avec des dents comme celle-là, on n'a pas besoin d'être jolie. On sourit ou l'on bâille, selon les circonstances, et le monde est à vos pieds. C'est-à-dire aux pieds de vos dents, fit un diplomate. Mais j'ai peur que la princesse ne soit destinée à bâiller plus qu'à sourire. Son excellence de mari n'a pas l'air amusant ni commode. Plus d'une fois dans sa vie, la belle Madeleine regrettera Paris. Chapitre 2e. Non, vraiment, le prince n'était pas commode, même au moment de son mariage. Mais quelques années plus tard, il était encore moins. La princesse était là pour le dire. Il devait à la coquetterie de sa femme d'être devenu jaloux comme un tigre, et à la faveur du tsar d'être devenu ministre de la police. Avouez que ces deux qualités réunies ne sont point faites pour rendre un homme aimable. Cependant, il avait trouvé moyen d'utiliser ses fonctions publiques au service de sa jalousie privée. C'est ainsi que chez nous, les petits messieurs des ministères emploient un cuirassier armé jusqu'aux dents et même plus haut, pour solliciter de Staël au cirque. Ce n'était pas des cuirassiers que le prince Michel employait, bien qu'il en eût des quantités à sa disposition. Il avait trouvé plus simple de choisir, parmi les meilleurs sujets de son personnel, le cocher qui conduisait sa femme et le concierge qui gardait la porte de son hôtel. Puis, comme complément, il avait le cabinet noir. Je ne vous fais pas l'injure de supposer que vous ignorez ce que c'est que le cabinet noir, bien qu'il n'en existe pas chez nous, évidemment. À quoi cela servirait-il d'être en République? Au commencement, l'infortuné ministre avait lu par douzaines des déclarations amoureuses adressées à sa femme sur tous les tons et dans toutes les mesures, parfois même sans mesure. Puis le mouvement s'était ralenti, non que la princesse devint moins séduisante, mais on commença à se méfier. Ceux qui avaient confié au poste et au télégraphe de Sa Majesté leurs espoirs ou leurs plaintes avaient vu, presque toujours, la mauvaise chance s'attachait à leurs pas sous les formes les plus inattendues et les plus diverses. C'était, comme le disait une de ses victimes, à se demander si la princesse avait le mauvais œil ou si le prince avait les yeux trop bons. Bien entendu, les réponses passaient au cabinet noir, aussi bien que les demandes, et son Excellence pouvait se convaincre qu'il était le mari d'une coquette enragée, mais rien de plus, ce dont il éprouvait une satisfaction relative. C'est un soulagement pour qui entend crier au feu dans sa maison, de s'assurer que tout se borne à une cheminée mal ramonée. Quant à faire lui-même le ramoneur, ce pauvre prince n'en avait guère le temps. Car la vie du tsar lui donnait autant de soucis avec les nihilistes que la vertu de la princesse avec les amoureux. Aussi, qu'on juge de son effroyable surprise quand il lut un jour la lettre suivante, dont il ne reconnaissait que trop l'écriture, bien qu'elle ne fût signée que d'une simple initiale. Il paraît que l'empereur partira pour Varsovie plus tôt qu'on avait pensé. Tenez-vous donc prêt à vous mettre en route au premier appel, car qui sait quand nous retrouverions une occasion semblable. Je ne vous ai pas laissé ignorer les difficultés de l'entreprise. Arrangez-vous donc pour réussir du premier coup et sans tâtonner. Vous vous présenterez chez moi comme un ami de la famille voyageant en Russie pour son plaisir. Passez chez ma mère avant de partir. Elle vous donnera pour moi une commission quelconque et ce sera votre introduction en cas de besoin. Le malheureux prince n'avait plus sa raison quand il termina cette horrible lecture. Ainsi, cette conspiration qu'il combattait nuit et jour par le fer, par la prison et par l'exil, cette guerre monstrueuse, impitoyable, de toute une armée de monstres contre un seul homme, il la retrouvait à son foyer. C'était sa propre femme, sa belle Madeleine, qui disait à l'assassin « Voici l'heure, soyez prêts ». À quoi bon lutter davantage? Quelle fatalité armait donc contre cet infortuné souverain, l'étrangère elle-même? Cette femme avait tout, la jeunesse, la beauté, le luxe, l'admiration. Elle, nihiliste, que lui manquait-il donc? Quelle rancune la poussait dans le crime, elle aussi, au risque de la paille du cachot qui allait meurtrir ce corps charmant, de la corde de chanvre qui briserait ce cou d'ivoire, de la neige de Sibérie qui glacerait les petits pieds aussi blancs qu'elle? Ah, pensa l'infortuné, je n'ai point su la rendre heureuse. Je me suis montré trop jaloux, elle me hait, et sa haine a trouvé ce raffinement, sublime à force d'horreur invraisemblable. Que fallait-il faire, cependant? Il pensa à tuer sa femme et à se tuer ensuite, laissant le public imaginer quelle histoire d'amour adultère surpris, car le sujet fidèle aimait mieux ce genre de déshonneur que l'autre. Puis il eut envie d'aller se jeter aux genoux de l'empereur et de tout lui dire, après quoi il disparaîtrait pour jamais avec la coupable. Le sentiment du devoir l'arrêta. Il tenait le fil d'un complot. Il fallait en découvrir toute la trame, et pour cela, il suffisait de laisser partir la lettre. De lui-même, l'assassin se livrerait. Déjà, le ministre avait le nom de cet homme, Nicholson, quelque Anglais ou quelque Américain peut-être, expert en dynamite, ou tout simplement un étudiant russe ayant pris un faux nom. La lettre partie, et le soir, le prince et la princesse assistaient à l'opéra, dans leur loge. Lui, pâle, tremblant de fièvre, vieille de 15 ans, elle, plus séduisante et plus entourée que jamais. « Vous êtes malade, Michel ?» dit Madeleine en souriant à son mari, dans la voiture qui les emportait chez eux. « À quoi le voyez-vous » fit-il d'un air étrangement sombre. « À quoi? Vous n'avez pas été jaloux ce soir ?» Chapitre 3e. Au bout d'une semaine, le ministre de la police dit à sa femme, sans paraître y attacher d'importance, « C'est jeudi que le tsar quitte Pétersbourg. Vraiment ? » s'écria-t-elle, à peine troublée de ce qu'elle venait d'apprendre. « Les journaux indiquent une autre date. » Il répondit, trompant à dessein la complice de Nicholson car il avait son plan. « Oui, on veut dépister ceux qui pourraient avoir des projets coupables. » Puis il parla d'autre chose, admirant au fond la force d'âme de cette créature indigne. Le jour même, il comprit que sa ruse avait réussi quand on lui communiqua, du télégraphe, cette dépêche, adressée par la princesse, on devine à qui. « C'est pour jeudi, soyez exact. » Bien entendu, le jeudi se passa sans que le tsar ni son ministre eussent quitté la capitale. Madeleine était devenue subitement fort inquiète à l'annonce de ce prétendu changement. Le lendemain, de l'après-midi, un personnage richement vêtu, orné d'une rosette énorme, se présenta au palais du prince Michel. « Que désire monsieur ?» demanda en s'inclinant jusqu'à terre le concierge prêté par la 5e section. « Salue la princesse et lui remettre un message de sa mère. Je suis le docteur Nicholson. »« Fort bien, » dit l'homme. « Monsieur est attendu. Madame la princesse est en visite chez une amie et a donné l'ordre de conduire monsieur auprès d'elle. Dans 5 minutes, la voiture sera prête. » Nicholson avait à peine eu le temps d'admirer quelques toiles du salon d'attente, car il était connaisseur, lorsqu'on le fit monter en coupé, où le concierge prit place à côté de lui, sans en demander la permission. « Drôle d'usage, » pensa Nicholson. « Il aurait bien pu monter sur le siège. » Je n'ai pas besoin de dire qu'un quart d'heure après, le soi-disant docteur était dans la meilleure, c'est-à-dire dans la plus solide prison de Pétersbourg, et que s'il y était attendu, ce n'était pas par la princesse. Dans une sorte de parloir fort maussade, garni d'agents de police armés en guerre, un personnage qu'il ne connaissait pas, et qui était le prince lui-même, l'interrogea avec une absence d'égard à laquelle le pauvre Nicholson n'était pas habitué. « C'est une infamie » criait-il en se débattant. « J'arrive de Paris ce matin même. Je n'ai pas dit 3 paroles à qui que ce soit, et quand je me présente chez la princesse, on m'enlève comme un voleur. « Vous connaissez la princesse ?» questionna très froidement le ministre. « Si je la connais ? Mais je l'ai presque vue naître. Voici une lettre de sa mère, la veuve d'un grand général. D'ailleurs, je suis citoyen américain et je proteste. « Fouillez cet homme avec précaution !» interrompit le haut fonctionnaire sans avoir l'air d'entendre. On ne trouva rien de suspect sur Nicholson. Rien qu'une mignonne boîte soigneusement enveloppée. Si c'était une machine infernale. Il fallait avouer, en ce cas, que la science du portatif a fait bien des progrès depuis Fieschi. Un ingénieur de l'école des Torpilles, attaché au ministère pour des occasions semblables, défile le paquet avec les précautions conseillées par la science. Le plus grand nombre des assistants était moins que rassurés et s'attendait à quelque explosion terrible. Rien d'anormal se produisit. Seulement l'ingénieur avait un singulier sourire lorsqu'il tendit la boîte ouverte au prince, qui s'empressa d'ailleurs de la mettre dans sa poche après y avoir jeté les yeux. « Alors, » demanda-t-il à Nicholson, « vous êtes dentiste, américain, monsieur, et fort pressé. Je désire retourner à Paris le plus tôt possible. Mon cabinet me réclame. » 5 minutes après, Nicholson était de nouveau en coupé, ayant cette fois pour compagnon le prince lui-même qui le comblait d'excuses. « Mais, » dit le mari de la belle Madeleine, « comment se fait-il que je ne me sois jamais aperçu de rien ?»« Excellence, » répondit fièrement l'américain. « Si vous vous étiez aperçu de quelque chose, les dents de Nicholson ne mériteraient plus leur réputation. » Ainsi, les dents de la princesse. « Fausse, mon prince. » Encore très jeune, Mademoiselle de Contremont fit une chute de cheval qui lui fracassa la mâchoire. J'exécutai alors pour elle un des meilleurs appareils qui soit sorti de chez moi. Mais tout s'use, et je venais en ajuster un œuf en votre absence. Le public n'a jamais connu l'aventure. On remarque seulement que le prince est moins amoureux. Oh, cœur humain !» Ainsi s'achève la Nihiliste par Léon de Tinsot.